C'est l'homme que j'abattrai pas avec un flingue, mais plutôt avec un mic mené de la main gauche. Le motif qui m'amène à faire ça, c'est de se démarquer. Car tout mon temps je l'ai passé à t'observer ou admirer le travail que tu fais. Tu fournis parmi de nombreux MC qui mènent le score ici. Maintenant c'est à notre tour qu'il en soit ainsi. T'es l'homme que j'abattrai. L'opportunité dans cette cour, on sait ce que c'est. Quand je donne le sport, je suis en sens d'être présent. Dans tous les cas, faut que mon unité représente. T'es ma cible, ce que l'un de vous aide. T'es ma cible, ce qu'au jour je décède. Car dans le rap, faut être franc, t'as trop prié. Fais courir notre bruit, car on veut notre part de billet. Le succès, on veut l'avoir en venant te bouiller. Le succès, je l'aurai, je t'aurai éliminé. Ça sert à rien de fuir, car où tu vas, le son te harcèle. C'est ta place, c'est un entour d'être devant de la scène. Tout à gagner, rien à perdre, cesse de te débattre. C'est ta place qu'on vient te prendre. Ça sert à rien de fuir, car où tu vas, le son te harcèle. C'est ta place, c'est un entour d'être devant de la scène. Tout à gagner, rien à perdre, cesse de te débattre. C'est ta place qu'on vient te prendre. Comme une balle qui fuse tout droit vers une personne à abattre. Je dévie pas de trajectoire. Aussi évident que nos cœurs ne cesseront de battre. Je mène une vie terne, due à nos blessures internes. On a pour objectif être au devant de la scène. Quitte à être aussi dangereux qu'un virage pris à 100 par un canon citerne. Et c'est ce qu'on dit te consterne. C'est notre manière de se faire entendre. Donc fini d'être les derniers à être servis. On a passé notre majeure partie du temps à observer. Fini de rire, maintenant faut sévir. T'es notre homme à abattre, tout à gagner, rien à perdre. Prends tes précautions, ou tout ce que t'as de précieux. Vise ton rétro, là tu nous vends. Fonce, faire tort pour tout prendre. Accélère ou bien change de fil. La mort t'attend dans cette course poursuite. Tu vois ta vie ça qui défile. Fuir, car où tu vas, le son te harcèle. C'est ta place, c'est un entour d'être devant de la scène. Tout à gagner, rien à perdre, cesse de te débattre. C'est ta place qu'on vient te prendre. Ça sert à rien de fuir, car où tu vas, le son te harcèle. C'est ta place, c'est un entour d'être devant de la scène. Tout à gagner, rien à perdre, cesse de te débattre. C'est ta place qu'on vient te prendre. Prends ton lui en otage, agression verbale. Un message à l'homme à abattre. Les pages sentent la haine, le boycottage ne nous freine pas. Message à l'homme à abattre, mauvais présage. Fais courir le bruit que l'impact est synonyme d'une arnaque. Chaque fois que la rime claque, tes nerfs craquent. Envisage aucune marge d'erreur, on pète les barrages, la rage dans les chaînes. Paraît qu'on est d'humeur à se venger selon la rumeur. La rue a fait de moi un danger public. Les outsiders sont prêts à créer la stupeur. Si tu flirtes sur son, prends tes précautions. Une agression verbale pour notre ascension. Tout à gagner, rien à perdre. Mec, t'es pris pour cible, constate les dégâts. Chez nous, on prend les devants toujours de façon marginale. Ça sert à rien de fuir, car où tu vas, le son te harcèle. C'est ta place, c'est un entour d'être devant de la scène. Tout à gagner, rien à perdre, cesse de te débattre. C'est ta place qu'on vient te prendre. Ça sert à rien de fuir, car où tu vas, le son te harcèle. C'est ta place, c'est un entour d'être devant de la scène. Tout à gagner, rien à perdre, cesse de te débattre. C'est ta place qu'on vient te prendre.